le noir de ton blanc, je m'accroche comme un mourant à la vie. Ça au passé, sans aucun futur présent, le futur est devenu passé, le présent s'est enfui. J'ai la rage, à en crever, j'ai la rage. Pas la force, jamais assez pour brûler les dernières pages. Mais j'écris au présent et la rage empire. Seul l'oubli de ma mémoire peut la faire bouillir. Dans mes rêves, je me reconstruis avec toi, mais les yeux ouverts, je veux te détruire plein de joie. Comment vivre quand on détruit les rêves des rois? Comment t'accomplir ses rêves quand on détruit sa vie sans toi? Est-ce qu'on peut mourir d'amour? Je sais pas. En tout cas, sans toi, j'étais comme Babel sans sa tour. Sans toi, j'étais plus moi. Big up à tous les cœurs meurtris qui restent dignes et qui se vendent pas au premier être pour panser leurs blessures, qui prennent pas l'amour comme une nécessité. Y'a les hauts et les bas, y'a les je t'aime. Moi maintenant je préfère le milieu. Entends par là que je dis plus je t'aime. C'est peut-être triste mais c'est moins malheureux. La vie est belle, le monde pourri. Avec toi même le monde était joli. Tu m'as rendu daltonien bigleux. Avec toi même la grisaille donnait un ciel bleu. Aujourd'hui je vois tout même ce que je dois pas voir. Mais putain ce que c'était bon d'être dans le noir. Surtout le soir à se mouvoir avant de dormir comme des loirs. Mais on me retrouvera pas dans la Loire. La vie c'est pas un mouroir et moi je suis plus une bonne poire. Je préfère la boire. Après sous la feuille j'appose ses lettres. C'est sûrement mieux qu'un va te faire mettre. J'apporte de l'eau à mon moulin avec ses lettres. Après sous la feuille j'appose ses lettres. C'est sûrement mieux qu'un va te faire mettre. J'apporte de l'eau à mon moulin avec ses lettres. Après sous la feuille j'appose ses lettres. C'est sûrement mieux qu'un va te faire mettre. J'apporte de l'eau à mon moulin avec ses lettres. Avec ses lettres. Avec ses lettres.